not me. It's my turn not to care. That's why I'm feeling you. No matter what you do, no matter what you say, I'm leaving anyway. I'm not feeling you. No matter what you do, no matter what you say, I'm leaving anyway. Let go, no flipping now, my love. Someone to hold me near. I need a man, don't try to find my love. Son cœur, ce grand orchestre, aimé de l'intérieur sans attendre un geste. Juste un instant, j'aimerais voir mon père qui m'avoue ses erreurs pour ne pas les faire. Le temps d'un instant, je veux croire aux rêves, je veux croire au pardon, je veux croire nos lèvres. J'aimerais croire à notre relève, à ceux qui nous remplaceront dans les larmes ou dans les joies, dans les mosquées ou à la messe, dans les synagogues. One love, juste le temps d'un instant, voir la vie autrement. Il acceptera nos prières, croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir l'avenir autrement. La peur que le temps n'épargne pas nos mères, croire que nos rêves traverseront l'hiver. Le temps d'un instant, le temps d'un instant, sortir la tête de l'eau, contempler le ciel et ses étoiles filantes. Ouais, juste un instant, m'imaginer auprès de ceux dont l'absence m'est douloureusement présente. Ouais, profiter de ce que le temps me vole, les caresses de ma femme et les fous rires de mes mômes. Ne plus les laisser sur le quai de mon train de vie, leur dire que la vie est belle à la manière de Roberto Benigni. Un instant pour décrocher la lune à ma mère, ou pour mettre des drapeaux blancs sur des chars de guerre. Un instant pour imaginer Coluche ne pas avoir eu besoin de créer les restos du cœur. Un instant où la paix respire à plein poumon, où ma liberté roule à fond vers l'horizon, pour y voir un arc-en-ciel loin devant. Rêver juste le temps d'un instant, voir la vie autrement, se dire qu'il accepte. Demain sera mieux qu'hier.

Vous écoutez Skyrock tous les dimanches soirs entre 18h et 20h. C'est Skyrock Classics, l'émission de référence pour rêver, pour se remémorer plein de bons souvenirs. Avec Skilo, c'était I Wish. À l'instant, la semaine prochaine, le futur du rap français à découvrir. Avec Fred, c'est le coup d'envoi demain entre 20h et 21h avec l'album de Gizmo GPG à découvrir. Toute la semaine prochaine entre 20h et 21h dans Planète Rap, l'émission rap de référence. Coup d'envoi demain, juste avant 20h, avec Fred et Gizmo. Du son classique, retour tout de suite avec une version Skyrock, c'est celle de Birthday Sex. Avec Jeremiah sur Skyrock. Attention, Kerry James se prépare aussi, 9-4, c'est le Barça. Et Exhibit, celui qui tunait vos bagnoles, à l'ancienne sur MTV Paparazzi. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Yo, what's up y'all, this is Jeremiah, and you are now tuned in to Skyrock, right here, right now, exclusive. It's your birthday, so I know you want to ride out. Even if Skyrock is in your house, sipping wheezy as we sit upon my couch. Feels good, but I know you want to cry out. You say you want passion, I think you found it. Get ready for action, Skyrock has found it. We switching positions, you feel surrounded. Just tell me where you want your gift. Girl, you know I, I've been fiending. Wake up in the late night, been dreaming about Skyrock. Girl, you know I, girl, you know I. Don't need candles and me, just need your body to make birthday sex, birthday sex. Birthday sex, birthday sex. On 10, 1, 2, 3, think I got you pinned. Don't tap out, fight into the end. Ring that bell, we gon' start over again. We grind it with passion, cause it's your birthday. Been at it for hours, I know you thirsty. You kiss me so sweetly, tastes just like Hershey's. Just tell me how you want your gift, girl. To the water deep until I know I please that body, body out. Or girl without a broom, I might just sweep you off your feet and make you wanna tell somebody, body how I do. Or maybe we can float on top my water bed. You close your eyes as I improv between your legs. We work our way from kitchen stoves and tables, girl, you know I'm more than able to hold these. Yeah. Classics, 18h-20h sur Skyrock. Nuff cops and bossa. passe-moi fiston. J'ai réussi sans piston et 5, 3, 5, 7 pitons. Passe-moi une jambe roulette, dans la surface pénètre. Grosse frappe dans les 6 mètres, punchline dans la lunette. On aime ce qu'ils détestent, ils détestent ce qu'on aime être. 9, 4, 3, 3, val de mitraillette. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. 9, 4, c'est pas ça. Je ne joue que pour marquer, les jaloux veulent me tacler. Je sais pas si t'as remarqué, mais ton ballon d'or il est plaqué. Jette ton flow, il est claqué. Même ta vie, elle est calquée. Nous, on s'est mis à rapper pour ne pas se déférer au parquet. Ça parle dealer, dealer. Ça prétend dealer, dealer. Ça raconte que des femmes. Ça fait fêler, fêler. Ça arrête de saigner, saigner. Mais leur CD, CD. Messieurs, prenez, prenez. Vous êtes relais, relais. Classics, Kayla 2SIKS. Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family is exhibit. Sometimes I wonder if it's all worth my while. Exhibits stay versatile with million-dollar lifestyle. And I can feel it as a child growing up. The brothers that was real and the brothers that was scared to fuck. It's why Exhibit only roll with a chosen few. You ain't really real, I can tell when I look at you. Ease off the trigger talk, you ain't killing and it's not affecting me. Or the click that I'm rolling with, I don't believe the hype about wolf tickets. You make a gang of noise, it never seem like a cricket. I guess that's why we never kick it. A lot of rappers is soft and guitars trying to come through the lick. How many rappers do you know like this? Always claiming that they rhyme, but they really ain't. It don't make sense. Either you a soldier from the start or an actor with a record deal trying to play the part like that. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame. I don't need no lights, no cameras, all I got is action. Never no superstar, say that for Michael Jackson. See, my composure is kept while others start to sweat. Emerging from the fog with my effed up dialogue. Trying to live high on the hog leaves you bankrupt. And people you spent it on will not give up. Now that's deep, how deep? It's deeper than Atlantis. Home of the scandalous, big bad law. it. Perpetrate like you are, not being scarred by the boulevard. Pulling all cards and saying gin as I begin. Flowing like liquid, so take it to your chin. I break it down, my sounds arise like death from the west. Put your whole city to the test. It's all in perspective, break a one-eye copy. This is for the people getting caught up in the paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame. Smoke stress and cross dress, exhibit played it back while you going through schemes and pipe dream for a contract. Real tightly rolled, buck them all, that's how I feel. Made a cool half mil before I had a record deal. Therefore, you looking stare like it's magic. But too much of anything can make you an addict. Whenever it's time for static, break out the automatic. I set it all straight, I spread hate, then I vacate. But wait, who dares to cross this path? Exhibit built to last. Cut slash, make a bloodbath. So on behalf of all the players I get drunk with, smoking blood sweat, I dispose of your pump. Yes, and keep it all in perspective. Carbon copies, getting caught up in the paparazzi. Once again, it's the liquidation crew, and I return for you like this. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. C'est Skyrock, premier sur le rap, premier sur Exhibit, celui qui tunait les voitures à un moment sur MTV. Ouais, je t'ai tuné ta caisse, c'est lui, il faisait du rap avant, c'était Paparazzi à l'instant. Exhibit dans Skyrock Classics, l'émission de référence sur les classiques. Ça se passe tous les dimanches sur Skyrock pour bien terminer le week-end entre 18h et 20h. Suite de l'émission maintenant, on vous prépare Will Smith avec Miami, Snow Informer et attention, énorme classique rap français. Classique parmi les classiques, voici 113 au summum sur Skyrock. C'est moi, Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tous Spirax comme dans Snatch, je m'en reste chez moi. Suspect comme l'arrière-salle d'un resto chinois. Compte sur moi pour représenter nos favelas à nous. Et si t'es chez les poules, jugé par les faux qui visent le foule, le brûlant entre branleurs. Le caridas, on a du mal à disperser dans les foules. On sort des marécages d'escalier. Sprint faux belge, j'entame le sprint, donne la réplique. On salopard comme Larry Flynn, tu barbales sous ma red skin en souplesse comme Jet Li. Bosse pour la Kabylie, mon jet ski. Sache que la peur n'apporte rien à l'homme, des lobes à l'œuvre. Profite de chaque minute pour les frères à l'ombre. Nuit au sommet, malaise. Comme Choumi en Ferrari sur les circuits, avec ce qu'il faut sous le lit insoumis. Ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. Ouais. On sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Compte déjà la gouache des 12-13 ans. La mère qui leur pend au nez. Et vive l'instant présent. Okay. Certains ont le mauvais train de vie. Se sont trompés de wagon. Se mettent à bosser à la chaîne comme un Saigon. Taïwan. Ça se ressent comme la Marie-Jeanne. Si t'es pas d'accord, sale con. On vole toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis. Sur tout terrain numéro 10, avec le cœur on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie sous les novices. Oh, summer.

Ali ki boom boom down. Take them on the sexy, then I'm a slum and stop, slum down and in. Ali ki boom boom down. Giddy dung, giddy giddy dung, them boy. In war, in war, in war. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. On veut tout prendre, sans se faire prendre. On allume comme dans Hit. Eh wow. BDSI. Le dernier PM. Je le top, de la première à la sixième, je vais mettre ça au top. Plein peut m'arrêter, ni rappeur, ni Robocop. Et pas peur, quand je pilote le mic, rien que je passe des rapports. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre, sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Sauf je suis pas Robert De Niro, je t'affranchis que ça monte au cerveau. Un truc de dingue, l'on jane, 9-4-4 sans chevaux. Je passe les rapports, notre vie à l'oral. Selon l'humeur du jour, l'état du moral. Faut que je respire l'air frais, man. Ce qui m'inspire à être formel, c'est l'aspirine infernale. Qui m'inspire à faire mal au micro. Je suis Foreman, j'ai buté comme Mike Tyson. Conduré comme George Foreman, comme Batman. Off forever, Vitry Fever. Plutôt réaliste que rêveur. Et ces mérites sont mal comprises. C'est parce que rien que j'accélère, accélère, j'ai la putain de reprise. Le rap c'est mon périph que je prends à sens inverse avec les pleins phares la nuit. À 2002 km/h, off le dernier BM en train de zigzaguer. C'est du direct, droit au but comme très aigué. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Turbo, parce que je suis speed, diesel pour l'endurance. Sportif, injection pour la concurrence au rétro. Un coup de gaz, tu disparais l'écran. Pour Rocco sous les crocs, avec les crocs et du cran. Danser la haine comme Vince, on se multiplie comme les Gremlins. Bougeons sous-marins comme les Marines. Je vendrai pas ma vie aux médias comme Hélène Ségara. Et qu'elle même s'égare quand elle entend ça. Elle aime Ségara comme toute demoiselle. On braque le rap, prend l'oseille. On fait ce qu'on a à faire sans faire zèle, sans prendre des ailes. Devant les cris, désireux des groupies. Tous créatures de Dieu, y'a pas de VIP. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. C'est quatre motions, toute option. Off en rodage, prototype de l'année. D'après les sondages, flow à direction assistée dans les virages. Attention, ne traînez pas dans les parages. Censuré au salon de l'auto, style illégal, man. Pour tous mes potos sous le Porsche. Personne m'égale, man, même pas les Porsche. J'suis pas un hasard, j'veux le droit, pas de vague, pas de drogue, ni champ, ni frime, ni que les modes, tout ce qui en vogue. Elvira, bouge tes airbags, tes fesses, sur un soin à l'ancienne. T'as la Scarface, c'est la rough sensation. Wesh ma gueule, j'te fais danser les condés comme George Michael. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Turbo, diesel, sport, injection. Avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit. On veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans hit. Et quand ma voix traverse le ciel, à travers les temps. Et quand ma voix traverse le ciel, BDSI, Mafia Capri, ROH de Z, 9-4, hey, wow. Skyrock Classics. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to

Why Clever and Mary J. Blige? I'm feeling it, bro. I understand. Can you do it? Will you do it? Skyrock Classic, Classics. 8h-20h. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse un enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups, je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un insol. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Atmosphère tendue, volcanique. Linge pendu, mur sali. Post-trafic, tape au cœur de l'Asie. Automatique de Matlick. Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me rich. You got niggas that's mad cause I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, those PhD niggas. But you know, I pop a lot of shit, but I back it up though. See, there's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't make hits. But it's like this whole bad boy shit, we come to bring it to y'all niggas. Me, B.I., Puff, Lox, whoever, Black Rob. If you wanna dance, we dance. Come on. Now trick what, lace who? They ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that. Funny, never find that. Puff a dime sack, write hot shit. Make a nigga say rewind that. Niggas know, we go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay, my tent smoke grays. No way, nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a championship. Come on, been around the world and now, yeah, yeah. And we been player hating. I don't know what, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Yeah. Is it our ladies? Uh-huh. Or trying to say this? Baby, baby. I was a one bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. Right. I was a gentleman living in tenements. Now I'm swimming in all the women and be tense. Went from bad boys to the crushed linen men. Now my dividends be the new Benjamins. Hoes of all complexions, I like cinnamon. Make sure you got some hoes, well nigga, send them in. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck? Nah, fuck, that's a bitch. Mercedes, come here, baby. You don't like it where it's hot and hazy. Never shady, must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching B's with a wrist full of G's. Nigga, please, I'm the macaroni with the cheese. Been around the world and now, yeah, yeah. And we been player hating. Say what? I don't know when, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Is it our ladies? Yeah. Or drop a fading. Baby, baby. Now fuck through the world. Even though I'm young, I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah. Get them all strong from the tip of my tongue. Looking places, niggas wouldn't dare put their face. Before I die, hope I when they could float by. In the brand new treads on the old cha. Never my throat dry, even when I smoke lot. Eat the mommy cho-cha and drive a low cha. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. Yeah. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days, couldn't be fly. Now I'm in a T.I. Coming close with B.I. Now a nigga V.I. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll away, you wanna roll, break 100 at the toll. Come on, playin' around the world, yeah, yeah. Nah, yeah, yeah. And we been player-hated. I don't know when, I don't know why. Why? Why they want us faded? Why they want us faded? Why they hate us? Why they hate us? Is it our ladies? Is it our ladies? Or drop the fading? Say what? Yeah. C'est Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h avec P. Diddy à l'instant, c'était Been Around the World. On vous prépare une très grosse semaine de morning. La semaine prochaine, 6h-9h, c'est Morning Best avec Vincent qui vous mixe les meilleurs moments du morning de D-Fool. Si vous vous levez pour aller bosser, pour aller faire un peu de sport, mettez bien la radio Skyrock bien sûr, avec les meilleurs conseils pas chers à retrouver, les meilleurs réveils de stars et toute la bonne humeur de D-Fool et de toute l'équipe. C'est entre 6h et 9h, retour demain juste avant 6h sur Skyrock. Window Shopper, c'est 50. 50 Cent, Window Shopper, gros son à écouter maintenant. Gangstar Full Clip, c'est juste après. Attention, l'escadrille et Sniper. On passe les bons moments. Bah ouais, comme dans Skyrock Classics d'ailleurs. C'est un bon moment. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Oh, oh. The top feels so much better than the bottom. So much better. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store, looking at shit you came by. Should use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Lord, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. It's funny how I get the school facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my. You know the kid ain't going for all that boat. Try and stick me, I'm a little for folk. It ain't my fault you done f***ed up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when they paper don't stack right. But when I come around, y'all better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. When we rollin', check your block down. Quick to put a f*** in the jump. When we rollin', use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store, looking at shit you came by. Should use a window shopper? In the dealership, trying to get a test drive.

out. Miss Fendi girl, Wimbledon chick, who rock a stick shift. Photogenic, crazy athletic, medic whip. Tinted, using your mind, that's the jewel of life. Science is right, walking the righteous path. Peace, God, love your man. So when you're zoning from the head start, we blessing your heart. Peace, I'm out of here, girl. Check out the best part. Never have I been so mystified by anyone's love before. Hey, I feel so natural. I keep coming back for more. And each time we touch, you open up a new door. Baby, you're such a midnight tease. It's gonna take everything to keep you from. Classique tous les dimanches 18h-20h avec Davina et Rick Ron. C'était So Good à l'instant. Dans 15 minutes, on va découvrir le classement de référence des 10 titres rap R&B qui cartonnent le plus cette semaine aux États-Unis. La grande question, c'est est-ce que Justin Timberlake va conserver la place de numéro 1 pour une 9e semaine consécutive? Il a gardé ce matin dans le Hit Skyrock. Peut-être va-t-il réaliser un doublé? C'est ce qu'on découvre avant 21h sur Skyrock. D'ici là, deux classiques à écouter, de la soul avec Ring Ring Ring, de la soul et Kanye West aussi avec Stronger.

offert à tout déchirer. Bah là, c'est Griezmann, c'est Payet qui vont tout déchirer. Ouais. Ouais, nouvelle génération. Bah, le match est tout à l'heure, le coup d'envoi dans une heure, histoire de se mettre bien, de faire monter la pression tranquillement. On va se faire un hit US qui va tout déchirer maintenant. Avec une nouvelle génération d'artistes US, justement, à découvrir tout de suite. Allez, c'est parti, Maxime. Allez, c'est parti. Ciao. Ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles.